J'aurais voulu que les rêves soient ce soit de MLR et que la haine se transforme en M. J'aurais voulu que les rêves soient ce soit de MLR et que la haine se transforme en M. J'aurais voulu tester la plume à Kerry James, débiter un rap à la hauteur de Eminem. J'aurais voulu mettre le feu à la placo et une voix démente à la soprano. J'aurais voulu poser ma voix à la bacar, représenter le 7-8 de la fouine, c'est toujours d'art. Que les rêves soient ce soit de MLR et que la haine se transforme en M. J'aurais voulu un rap engagé à la Kenyarkana ou même sur du reggae roots à la Tiganja. J'aurais voulu des mots si forts que ceux de Medine. Je voudrais présenter Marley à la Danakil. J'aurais voulu que mon son t'envoie dans l'espace comme Pink Floyd, que la musique me parle à la Beethoven. J'aurais des sons joyeux comme Alpha Blondie et une voix magnifique à la Bocelli. J'aurais des messages de paix à la Bob Marley, mettre la patate à la Goli Buds et Damian Marley. J'aurais voulu des sons lover à la Gentleman, des sons aussi beaux que Requiem, Anticam. J'aurais voulu la facilité musicale à Groundation, que je puisse envoyer dans l'espace à la Grounding Dub. J'aurais voulu des sons aussi forts qu'Hardcore D.D.A.G et représenter le quartier à la Mafia qu'un free. J'aurais voulu que les rêves soient ce soit de MLR et que la haine se transforme en M. J'aurais voulu rester simple à la Manu Chao et je veux encore poser à l'âge de Max Romeo. J'aurais voulu la reconnaissance comme NTM et taper des rimes comme un hommage à LRM. J'aurais voulu que les gens connaissent Robert Wyatt et poser des textes avec les couilles de Rockin' Squat. J'aurais voulu des sons qui pètent à la Sniper, que certains rappeurs ne se prennent pas pour des killers. J'aurais voulu avoir le move de Mathieu Zamblébi, être croyant comme Sizzla ou encore B. Anthony. J'aurais voulu des sons badants à la SM3 Crew et niquer Sarko à la Ballet Patché Crew. J'aurais voulu poser avec une voix d'Alicia Keys, écrire des poésies badantes à la Damien Saez. Et je rends hommage au gars qui met KO dès le premier round, Michael Field Party 1 sur l'album Oh My Down. J'aurais voulu que les rêves soient ce soit de MLR et que la haine se transforme en M. J'aurais voulu que les rêves soient ce soit de MLR et que la haine se transforme en M.